car les eaux me submergent. Je m'enfonce dans l'abîme sans appui. Je suis fatigué de crier vers toi. Ma gorge est desséchée dans l'attente. Ceux qui me haïssent sans cause se multiplient. Ils me rendent le mal pour le bien. Le zèle de ta maison me dévore et les outrages tombent sur moi. Ils m'ont donné du fiel pour nourriture, du vinaigre pour étancher ma soif. Mais moi je louerai le nom du Seigneur et j'exalte.